Été. Et l'enfant répondit, pâmé, sous la fourmillante caresse de sa pantelante maîtresse. Je me meurs, ô ma bien-aimée, je me meurs. Ta gorge enflammée et lourde me saoule et m'oppresse. Ta forte chair d'où sort l'ivresse est étrangement parfumée. Elle a, ta chair, le charme sombre des maturités estivales. Elle en a l'ambre, elle en a l'ombre. Ta voix tône dans les rafales, et ta chevelure sanglante fuit brusquement dans la nuit lente.